Thank you. We'll be right back. Thank you.

morceau sur Reaper, c'est ça? Tu mets une piste? Ah putain, y'a déjà un truc. Stop. Tech. Je vais essayer, tiens. Tu vas te faire chier de nous. Ça va avoir l'occasion de comprendre. Alors, 3,97 mots. Bluesman. En box pour Atari. Est-ce que ça marche? Vas-y Bluesman, joue ça. À toi. Bye. Écoute, Bluesman, il est parti. Tu vois, c'est dommage de rester bloqué dans un style, dans la musique, quoi. Je trouve ça con, moi. T'as des mecs, ils écoutent qu'un seul style, ils ont une seule femme dans la vie. Non ? Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. J'ai tout résumé. Alors que la vie, c'est pas ça. La musique, c'est le mélange des cultures. Et oui, à chaque fois, voilà. Il faut toujours qu'il fasse du funk ou du blues. Et c'est tout. Voilà. Très bien, il en joue très bien, certes. Il a dû y passer des heures entières dans sa chambre. Ouais, les pantas, ouais. Moi, je suis un blaireau en musique, mais j'écoute de tout, quoi, voilà. Je m'intéresse. Bon, sur ce... Voilà, c'était le seul morceau, tu vois. J'ai pas une grande culture de Gary Moore, mais un jour, il y a un pote, il voulait qu'on joue ce morceau. Je te promets, je l'ai jamais entendu le solo comme ça. Sur ce, j'arrête mes conneries, mais tu vois, je voulais écouter ce morceau. Attends, je vais télécharger ce que tu m'as dit. Pardon. Je vais acheter... Michel and old Beaujolais wine. I recall that you were mine in those Parisian days. Cold.